notre chambre ouverte autour de nos têtes. Enfin un peu d'air frais chasse la chaleur. Oh la douce caresse des premiers soirs d'été. Quand le grand soleil rouge lentement s'est couché, à chaque fois c'est pareil, je l'avais. Plafond blanc strié du bois des olivettes, un papillon maladroit sort de sa cachette. Et sur les murs chaulés, nos deux silhouettes s'enlacent savamment sur le grand lit carré. Des chevaux scintillants viennent s'y abreuver. La rivière est profonde au mi-temps. Gravité, ces courbes parfaites, cette air de ne pas s'en faire pour le lendemain, d'être toujours présent au combat, à la fête. Ami, tu prendras bien encore un peu de ce thé, du jasmin et du thym et du sucre doré. Souffle sur la chandelle et ferme les yeux. Inspiration profonde et détente du corps. Le papillon qui sort dehors, il est mieux. Enfin nous embarquons pour la petite mort. Depuis la forêt, le chant triste d'une chouette. Sous ce manteau d'étoiles, doucement. La la la la la.